promesse, Abraham doute devant l'attente. Tu viens comme une parole sûre dans l'obscurité tremblante. Tu dis regarde le ciel, Abraham, compte si tu peux les étoiles. Et sa foi se lève dans l'ombre, plus forte que ce qu'il voit. Tu justifies par la foi avant même l'accomplissement. Compte les étoiles si tu peux, ainsi sera ta descendance. Quand l'attente semble trop longue, ta parole reste notre assurance. Compte les étoiles si tu peux, même quand la nuit s'étend au loin. Nous croyons à ce que tu promets, plus qu'à ce que nous. L'alliance scelle dans le feu, les animaux sont partagés. Un brasier passe entre les morceaux, comme un serment inébranlable gravé. Tu annonces la captivité future, les chaînes et la délivrance aussi. Car même l'épreuve à venir n'éteint jamais ce que tu dis. Compte les étoiles si tu peux, ainsi sera ta descendance. Quand l'attente semble trop longue, ta parole reste notre assurance. Compte les étoiles si tu peux, même quand la nuit s'étend au loin. Nous croyons à ce que tu promets, plus qu'à ce que nous voyons demain.